الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نفتتح هذا الكتاب المبارك، كتاب الشيخ الإمام أبو محمد، كتاب الشيخ الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري بشرح العلامة الدكتور شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. Donc on va commencer ce nouveau livre inshallah aujourd'hui, Sharh al-Sunnah li l'Imam al-Barbahari, mutawaffa en l'an 329 de l'Hijr. On commence le muqaddimah inshallah. Pour juste deux lignes de Hilya Talib ibn Sheikh Bakr Abu Zayd rahimahullah, il dit: التعامل مع الكتاب. Comment tu te comportes avec ton livre. لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه. وكثيرا ما تكون مقدمة كاشفة عن ذلك. تبدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. Il dit, ne commence pas la lecture d'un livre si ce n'est par la lecture de son préface, مقدمة. Parce qu'il dit en général dans le préface, l'auteur, il cite terminologie. Donc il faut commencer le livre par le muqaddima. Les frères, un peu de sérieux, barakallahu fikum. Un peu de sérieux, on est fait dars, on n'est pas dans un cirque. Tayyib, muqaddima, naam. Attends, Jamal, prends avec notebook li attaque. Donc on va le qalam. Khoud warqa. Khoud warqa. J'ai enregistré là. T'as mis l'enregistré. ما تيك واحد خلاف هاك سكون فات هما يهزوا نقاط كتاب فهمت مرات يوليو يسالوا ويرجعوا لها لهذا الشيء داك سي جون لي بلي فيس باغ معليش عادي عادي نو عادي يعني D'accord, donc le muqaddima est importante. Beaucoup de frères, quand ils commencent un nouveau livre, ils sautent le muqaddima. Si l'auteur a mis le muqaddima, il faut la lire. Il n'a pas mis le muqaddima gratuitement. Le muqaddima, un préface, il parle de ce dont il va parler. Donc on commence par le muqaddima, inshallah. Il dit, inna alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihi allahu falamudilla lahu, wa man yudlil falahadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد هذه المقدمة لتلميذ الشيخ هذا ليس كلام الشيخ صالح الفوزان هذه مقدمة تلميذه ويوجد داخله في المجلد الثاني بتت العاجل تهو لا مش صفحة 5 5 باج 5 باج 9 صفحة 5 كلمة الشيخ فوزان لا لا On a la même chose, moi et toi, Abdallah. Hein? On a la même chose. Non, non. Anna, j'ai page 5, toi t'as page 9. C'est la même chose. Ouais, je suis comme ça. Ouais, je suis comme ça. Je suis comme ça. Après, est-ce que vous avez fait Inna ta'allum al-aqidati sahiha? Ou akadu al-wajibat al-muslim? Kada? Voilà, c'est bon. On commence là alors. فإن تعلم العقيدة الصحيحة هو أكد الواجبات على المسلم. Donc le muqaddima, le préface jusqu'à arriver au début du livre, on va essayer d'arriver jusqu'à le début de Kalam al-Barbahari, comme ça la semaine prochaine on commencera par Kalam, inshallah. Donc ça on va passer un petit peu rapidement puisque c'est le muqaddima. Donc il dit l'apprentissage de la conviction, l'aqida, le dogme, ça fait partie des plus grandes obligations, les obligations qui sont les plus précisées dans la religion pour le musulman. Wa awlaha bil i'tina wal ihtimam. Awlaha, elle prime. تعلم العقيدة c'est quelque chose qui prime. Il faut prendre l'i'tina ou l'ihtimam. L'i'tina, prendre soin. Ihtimam, lui donner de l'importance. ذلك أن قبول الأعمال متوقف على صحة العقيدة. Il dit puisque l'acceptation des actes, c'est selon l'authenticité de la conviction. لا سيما ونحن في زمن كثرت فيه الفتن والأهواء. Il dit surtout qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de divergences et beaucoup de passions qui sont suivies, beaucoup de problèmes de zizanie, etc. وتنوعت طرق أهل الزيغ والضلال. Les gens qui prêchent la déviation et le mal et la perdition et l'égarement, ils ont différentes manières d'agir. وتمادى أهل الباطل في باطلهم. Les gens qui prêchent le tort, ils ont التمادي, c'est continuer. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. Ils disent les savants. Revenir vers la droiture, c'est mieux que de continuer, de se prolonger dans le tort. وتكالب أعداء الله على الإسلام والمسلمين. تكالب, et ils se sont réunis, ils se sont rebellés, les ennemis de l'islam, contre l'islam et les musulmans. داعينا الاستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. Et en prêchant quoi? Changer ce qui est meilleur, c'est-à-dire l'islam, ce qui est meilleur, c'est-à-dire alladhi huwa khair, par ce qui est billadhi huwa adna, par quelque chose qui est moins bien que cela. Mu'aridin 'anil khaliq laji'ina ila al-makhluq. Ils se sont détournés du créateur Allah, ils se sont tournés vers la créature. Tarikina nur as-sunnati min ajli dhalam al-bid'ah. Ils ont délaissé la lumière de la sunna pour échanger contre cela l'obscurité, dhalam al-bid'ah, de l'innovation. مديرين عن الهدى بغية للضلال. Ils se sont détournés de la guidée, recherchant la déviation. مدبرين عن الهدى بغية للضلال. مدبرين من الإدبار. C'est-à-dire que la personne, elle s'est tournée, elle s'est détournée. Elle a vu la guidée, elle a pris le chemin opposé, recherchant la déviation. ويدعون السعادة وينشدون الشقاء والعياذ بالله. Ils délaissent as-sa'ada, le bonheur, et recherchant et appelant le malheur, as-shaqa wal-'iyadu billah. Wa min rahmatillahi bi ummati nabiyyi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam annahu tataba'a a'immatu as-sunnah منذ القرون الأولى على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والتحذير مما يضادها. Il dit, ça fait partie de la miséricorde d'Allah envers la communauté prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les savants de la sunna, siècle après siècle, génération après, après génération, ils se sont hérités dans ce domaine-là, le fait de clarifier la conviction des gens de la sunna et du consensus, et mettre en garde de tout ce qui est, de tout ce qui s'oppose à cela. وَالرَّدْ عَلَى كُلِّ مَنْ خَالَفَهَا. Ils répliquent sur toute personne, tout groupe, toute fraction, toute secte qui diverge de cela. وَسَارَ عَلَى ذَلِكَ الْمَنْهَجْ الرَّبَّانِ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ حَتَّى يَوْمِنَا هَذَا. Il dit, on continue à aller sur cette voie, continue sur cette méthodologie qui est Rabbani, Menhaj al-Rabbani, qui vient d'Allah, les savants de la communauté, jusqu'à notre jour, jusqu'à nos jours aujourd'hui, jusqu'à notre époque contemporaine. وَقَدْ كَانَ مِنْ أُولَٰئِكَ الْأَئِمَّةِ الْأَبْرَارِ الَّذِينَ نَذَرُوا أَنفُسَهُمْ لِذَلِكَ. Parmi les savants qu'on peut compter dans cette lignée, dans cette liste, l'imam al-Mujahid, ناصر السنة وقامع أهل البدعة والضلال أبو محمد الحسن ابن علي البربهاري المتوفى سنة 29 بعد المئة الثالثة من الهجرة. Donc on peut compter parmi cela l'imam al-Mujahid, celui qui a secouru la sunna et qui a rabattu l'innovation et l'égarement, Abu Muhammad Sakunya al-Hassan ibn Ali, Hassan fils de Ali البربهاري, décédé en l'an 329 de l'Hégire. والذي أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن دينه مضحيا بأحب الأشياء إليه. Il a été éprouvé dans son secours qu'il a apporté à la religion et il a sacrifié les choses يعني qui sont vraiment chères pour lui. أحب الأشياء إليه وفضل دينه على أغلى ما يملك. Il a préféré favoriser sa religion sur les choses qui sont les plus chers auprès de lui. وَقَدَّمَ رُوحَهُ رَخِيصَةً زَهِيدَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى. Il a donné sa vie, son âme, etc. Dans le sentier d'Allah. فَتَصَدَّ لِأَصْحَابِ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ وَالْمَبَادِ الْفَاسِدَةِ. Donc, il s'est tenu debout devant les gens qui prêchent les convictions qui sont néfastes, qui sont mauvaises et qui ont des mabadi fasida. Ça veut dire des principes qui sont corrompus. وكان عنده من العزيمة ما تزلزل الجبال وهي ثابتة. Il avait azima, ça veut dire une fermeté dans ses dires et dans sa conviction, dans son prêche et dans sa méthodologie, de quoi faire trembler des montagnes alors qu'elles sont raffermies. La yakhsha illa Allah, falam yashghalhu illa hadha ad-din. Ne craignant qu'Allah dans son chemin, rien ne l'a détourné, yani ne l'a préoccupé plus que sa religion. Hamilan tilka ar-ruh ala tabaqin min al-fida'i wa at-tadhhiya fi sabilihi i'zazan li hadha ad-din. Donc il a hamilan tilka ar-ruh, ça veut dire qu'il a forcé son âme à se donner en rançon, al-fida, al-fidya, quand on est fidya fi siyam, tu donnes en échange, tu nourris un pauvre en échange, etc. Al-fidya, c'est la rançon. Et il a donné son âme en rançon de cette religion et il a sacrifié son temps, sa vie, etc. dans le secours de ce sentier-là et de cette religion. I'zazan li hadha ad-din, pour apporter al-izza, la force, la puissance, la suprématie à cette religion. ومن تبليغه لكل العالمين حبا وموالاة وإخلاصا لله ولدينه الحنيف. Donc, afin de transmettre cette religion à toute l'humanité, aimant celle-ci, la secourant, et par sincérité envers Allah et sa religion, Hanif. Hanif, on a dit, ça veut dire quoi? Se détourner. Hmm? Se brancher de... C'est la voie droite, le chemin droit. Hanif, on a dit, huwa al-mail. عن الشر والميل عن الشرك والميل voilà, se pencher d'un chemin contraire à tout ce qui est mauvais, en commençant par le polythéisme, la mécréance, etc. فأثلج الله جل وعلا بكتابه الصدور. Le sens littéral, c'est comme si Allah il a glacé des poitrines, il a stoppé yani des gens à travers ce livre là. وأعز به الدين ورفع به الراية. Et il a accordé à la religion العزة, la force, la puissance, etc. Et il a élevé Raya. C'est quoi Raya? Voilà, le drapeau, l'étendard. يقول الله جل وعلا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Dans sourate le tonnerre, je ramène un verset qui vient dans ce sens-là. Dix-sept, c'est ça, hein? Oui, attends, je vais te transmettre l'ayah. Ainsi, Allah représente en parabole la vérité et le faux. L'haqqa wal batil. L'écume du torrent et du mal, métal fondu, s'en va au rebut. Tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre, ainsi Allah propose des paraboles. فَأَتْلَجَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِكِتَابِهِ الصُّدُورِ يَنِيش نَفَعَ بِكِتَابِهِ الْأُمَّةِ. C'est-à-dire Allah il a apporté profit à la communauté à travers son livre. Donc le verset, ensuite وَقَدْ نَالَ هَذَا الْكِتَابُ اهْتِمَامَ الْكَثِيرِ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ. Ce livre-là a attirer l'attention et le souci de beaucoup de savants à la marre al-usur, selon les différentes époques. Les savants qui sont venus par la suite, ils lui ont accordé beaucoup d'importance. وفي عصرنا هذا اختار شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب السنة للإمام البربهاري نظرا للحاجة الماسة إليه في هذا الوقت. Donc il dit, à notre époque, celle-ci, Cheikhuna, c'est un de ses élèves, Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, il a choisi l'explication de ce livre-là, Kitab al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, voyant que les gens ils ont un besoin important de connaître ce qui contient ce livre et les différentes règles qu'il contient à notre époque. فَوَفَّقَهُ اللَّهُ لِبَيَانِ مُفْرَدَاتِ. Donc il a expliqué comme c'est à son habitude, chaque mot, chaque terme, وَشَرَحَ عِبَارَاتِهِ. Et il a expliqué les expressions, les différentes phrases qui sont venues dans ce livre. وَتَسْهِيلِ أَلْفَاظِ. Il a facilité les termes, et des termes qui sont un petit peu complexes, etc. Il les a expliqués d'une manière claire que toute personne comprend. وَتَقْرِيبِ الْمَعَانِ بِكُلِّ سُهُولَةٍ وَيُسْرٍ. Donc il a facilité les sens des différents termes d'une manière simple et accessible. مُبَيِّنًا فِي شَرْحِهِ كُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الشَّرْحِ. Clarifiant dans son explication, toute chose que l'étudiant, la personne qui lit ce livre-là, il a besoin de savoir et de comprendre. Dans, à travers cette explication, clarifiant les différentes choses qui peuvent être mal comprises ou bien mal interprétées, etc. Et il a répliqué sur le contraire. وبعد الانتهاء من شرح هذا الكتاب القيم تقدمت بين يدي عندكم يدي بين يدي شيخي الفاضل طالبا منه الإذن بإخراج هذا الكتاب فبأجمل صورة وأبهى حلة لتعم به الفائدة المقصودة والمرجوة فأذن لي بذلك. Donc il dit, une fois que le livre a été terminé, donc j'ai pris Nusra, j'ai pris le livre et je l'ai présenté à un cheikh, cheikh Salah Al-Fawzan, hafidahullah, lui demandant l'autorisation de pouvoir faire imprimer ce livre et le faire sortir au grand public d'une manière bi ajmali sura wa abha hulla. Bi ajmali sura, sura, vous savez c'est quoi, c'est une belle image, hein, une belle représentation. Wa abha min al-baha. Al-baha, c'est la beauté, la magnificence. الحلة c'est le vêtement. اللهم اسكننا به الحلل أو البسنا به الحلل plutôt sur le jannah. اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل. الظلل c'est les ombres. الحلل c'est le pluriel de حلة qui est vêtement. حلة. Afin que لتعم به الفائدة, pour que le profit soit général à tout le monde, pour que toute personne puisse en profiter. المقصودة, ce qui est voulu, يعني, c'est que les gens y profitent. والمرجوة, ce qui est espéré, ça vient de. Hein? Ça vient de quel mot, marjoua? Raja. Fa'adina li bidalik. Cheikh, sallamahullah, il lui a autorisé cela. Non. Khuttatul bahth. Khuttatul bahth, le khutta, tartit quelqu'un quand il a. Il veut planifier quelque chose. Donc, planification en fait de ce qu'il a fait l'akh, jazakallah khair. A'mali ijmalan yatalakhasu fi thalathati umur. L'akh, Mohamed, Mohamed ben Fahd al-Husayn. Qu'est-ce qu'il a fait dans, à travers ce livre-là? Trois choses. Awalan, qismu ad-dirasa. D'abord, l'étude du livre. Thaniyan, an-nassu al-muhaqqaq. Ça veut dire le texte après vérification. Thalithan, amalu. فهارس علمية للكتاب. فهارس c'est l'étape des matières derrière. L'étape des matières du sujet, il y a l'étape des matières de l'ayat al-Qur'aniya, l'ahadith al-Nabawiya, l'athar, etc. وقسمت الدراسة إلى مقدمة وثلاثة مباحث. Donc il dit, j'ai décomposé en fait le livre en préface et trois chapitres distincts. أما المقدمة فذكرت فيها أهمية التوحيد وسبب عنايتي بهذا التعليق المبارك الذي قام به شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان وخطة البحث وخطة البحث. Donc en fait il dit, j'ai évoqué dans le préface l'importance de l'unicité et de tawhid et pourquoi j'ai donné de l'importance à ce livre là et des commentaires qu'a fait le cheikh صالح فوزان sallamahu الله et planification des différents chapitres. وأما المبحث الأول فترجمة مختصرة للإمام العلامة البربهاري. Première recherche, c'est une rapide biographie de l'auteur, l'imam al-Barbahari, rahimahullah. وَأَمَّا الْمَبْحَثُ الثَّانِي فَتَرْجَمَةُ الشَّيْخِ الْعَلَّامَ صَالِحِ بْنِ فَوْزَانِ الْفَوْزَانِ. Biographie de l'explicateur, le Cheikh al-Fawzan, hafidahullah. وَأَمَّا الْمَبْحَثُ الثَّالِثِ, troisième recherche, troisième chapitre, فَوَصْفُ النُّسَخِ الْمُعْتَمَدَةِ مِنْ كِتَابِ شَرْحِ السُنَّةِ لِلْبَرْبَهَارِ وَمَنْهَجْ الْبَحْثِ. Donc il dit, j'ai évoqué les différentes. Les différents exemplaires qui sont disponibles et qui sont considérés comme étant de confiance de ce livre-là, Sunnah de l'imam al-Barbahari. وفيه مطلبان. المطلب الأول وصف النسخ المعتمدة من كتاب الشرح السنة للبربهاري. المطلب الثاني منهج البحث. ثم عرضت عملي في الكتاب على شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان. Vous avez ça aussi. بعد تفريغ هذا الشرح القيم وبعد أن عزوت الآيات إلى مظانها من سور القرآن الكريم وخرجت الأحاديث وعزوت كلام العلماء وترجمت لهم وعدلت وقومت ما طلبه الشيخ مني على المخطوطة التي سيأتي وصفها. Donc en fait, il dit quoi? Il dit ensuite, j'ai exposé ça, cheikh, pour qu'il vérifie. Après avoir tafrir, هذا الشرح القيم. Tafrir, معناه انه il écoute l'audio. Il écoute l'audio, كلام الشيخ, et il écrit. Il prend كلام الشيخ الإمام البربهاري, قال الشيخ الفوزان, كذا. Et il écrit tout. العزو, عزو الآيات, ça veut dire les versets. Le cheikh, quand il cite un verset, il ne va pas dire surat كذا, raqm كذا. فالأخ, جزاه الله خير, il prend la surat, il cherche dans le Coran, telle surat, tel verset, il met surat Maryam. Verset 71, surat Kada, verset, etc. Il a ma vannihah min surat al-Qur'an. Il y a deux sortes du Qur'an. Et les hadiths également. Et kalam al-ulama wa tarjantu lahum. Il a fait une rapide biographie de des savants yani, qui ont été cités. Wa addalt wa qawwamt. Il a dit, j'ai corrigé des choses et correction. Après la demande du cheikh, le cheikh peut-être il parle dans un audio, il répète 3-4 fois la même phrase, etc. Donc il lui a demandé de rajouter des choses, d'enlever des choses, de corriger des choses, des termes qui seraient plus probables et plus propices à utiliser, etc. هذا هو معنى التقويم والتعديل. قومت وعدلت أو عدلت وقومت ما طلبه الشيخ مني على المخطوطة التي سيأتي وصفها. Donc sur le مخطوطة, c'est-à-dire ce qu'il a écrit, dont vous allez voir un exemplaire par la suite. Tout en vérifiant dans différentes impressions de différentes dour nashr du livre. Il dit donc, je remercie toute personne, j'invoque en sa faveur toute personne qui a participé avec moi à ce que ce livre là il soit imprimé, édité et qui soit profitable à tout le monde. وفي الختام اسال الله جل وعلا ان يبارك في هذا الجهد وان يتقبله مني ويجعله خالصا لوجهه الكريم صوابا على سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان ينور بصائر وابصار القارئين لمعرفه الحق من الباطل وان يوفق شيخنا لما يحب ويرضى وان يغفر للامام البربهاري رحمه الله وان يسكنه فسيح جناته وأن يحشرنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلي اللهم وسلم على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا. Ensuite à la fin, donc il invoque bien il invoque Allah qu'il accepte son acte et qu'il fasse en sorte qu'il soit conforme à la sharia sur la sunna du messager et qu'il soit profitable aux gens, et il invoque en faveur de Cheikh Salah Fouzan et en faveur de l'auteur l'imam al-Barbahari. Il demande qu'il réunisse tout le monde sur avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quelle bonne compagnie. Un verset dans surat An-Nisa, katabahu Muhammad ibn Fahd al-Husayn le 23 du 6e mois, ça veut dire du mois de 6e mois, c'est quoi? Comment? 6e mois algérien, je ne vois. Jumad al-Thaniya, Jumad al-Akhira, 23, Jumad al-Akhira, 1428, Riyad. On va voir Tarjumad al-Imam, al-Barbahari, rapidement. Al-Mabhat al-Awwal, donc il nous a dit qu'il allait parler de l'Imam al-Barbahari. Ismuhu wa kunyatuhu wa nasabuhu. Il s'appelle huwa l'Imam al-Qudwa, al-Mujahid, Sheikh al-Hanabila wa kabiruhum fi asrih, Abu Muhammad al-Hassan. ابن علي ابن خلف البربهاري وبربهار هي الأدوية التي تجلب من الهند. Donc il dit imam qudwa, tout ça c'est des awsaf, c'est des caractéristiques. Imam, vous savez c'est quoi le qudwa? C'est un exemple, hein? Fulan un qudwa, ça veut dire c'est un exemple, c'est un exemple à apprendre. Le mujahid, ça vient de le jihad. Sheikh al-Hanabila, le représentant des hanbalites, wa kabiruhum, et un des grands parmi eux. Fi asrih, dans son fi asrati, fi asrati, vous avez asrih, c'est un khata matba'i, hada asrihi, à son époque. Abu Muhammad, sa kunya, al-Hassan, son prénom, Ibn Ali, son père, Ibn Khalaf, son grand-père, al-Barbahari. Barbahari, comme vous savez, en général, quand il y a un ya derrière, nisba, c'est une attribution, il dit al-Barbahar, hiya al-Adwiya, ce sont des médicaments, allati tujla bin al-Hind, qu'il ramenait de d'Inde. Mawliduhu wa nash'atuhu. Il est né quand? Wulida sanata 53 ba'da al-mi'ati thaniya min al-hijra. Il est né en 253 de l'Hégire. في خلافة المعتز بالله محمد ابن الخليفة المتوكل على الله جعفر ابن المعتصم بالله العباسي. Donc il est né dans la au cours du califat de cette personne là, Al-Mu'taz billah Muhammad. Donc Al-Mu'taz c'est pas un nom, le nom c'est Muhammad ibn al-Khalifa al-Mutawakkil. Mutawakkil, celui qui était à l'époque de l'imam Ahmed. Hein? Il y a Ma'moun, après Al-Mu'tasim, après Al-Wathiq, après Al-Mutawakkil. Mutawakkil, c'est celui qui a secouru Al-Hadith. C'est lui qui les a réunis et akramahum, et il leur a dit d'enseigner aux gens justement après d'être ahl sunna, etc. Donc c'était le quatrième des quatre. Le Ma'moun. Naam. Asr al-Abbasi, oui. Quatre, c'est les frères jusqu'à aujourd'hui, Inch'Allah. Je suis en train de faire une recherche sur quelque chose parce que j'ai trouvé quelque chose d'autre. Donc on verra, Inch'Allah. Il a al-gahaj okhra. Wa kana dhalikum al-waqt, waqt tahakkum al-atraq bis-sulta. C'était une époque où les Turcs ils avaient de l'autorité à cet endroit-là. حيث كانوا يولون من شاء من الخلفاء. Ils choisissaient qui ils voulaient des califats et il l'a posé en tant que gouvernant. ويعزلون من شاء. Et donc ils rapprochaient qui ils voulaient et ils écartaient qui ils voulaient. Hein? يعزلون. De là vient la secte المعتزلة, éloigner, faire reculer, etc. ولم يستقر الأمر نسبيا إلا في خلافة المعتمد على الله. معتمد. هذا اسم. نعم. هذا رجل. معتمد. معتمد على الله. يعني تقصد أنت المعتمد هل هو اسم ولا وصف؟ اسم هذا. الله أعلم. المتوكل. المتوكل اسم. خلافة المعتمد على الله. اسم المعتمد على الله. ذلك وقت وغدير. ولد سنة كذا خلافة المعتز بالله محمد بن الخليفة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله العباسي. كان ذلك من الوقت وقت تحكم الأتراك بالسلطة حيث كانوا يولون من شاءوا من الخلفاء ويعزلون من شاءوا ولم يستقر الأمر نسبيا إلا في خلافة المعتمد على الله. الله عليك. إن شاء الله. Je demanderai إن شاء الله. Je vous dirai إن شاء الله la prochaine fois. نسأل إن شاء الله. يولون. يولون. Ils mettent en tant que wali. Ils mettent en tant que wali. يعني ولي الأمر. Ils mettent en tant que gouvernant. يُوَلُّونَ مَنْ شَاءُ وَيَعْزِلُونَ مَنْ شَاءُ. C'est lui qui va le mettre en tant que wali amr, gouvernant, ou bien prince, ou bien d'une contrée, ou du pays, etc. Ils le mettent. Et celui qui veut يَعْزِلُون, ils veulent l'éloigner, justement qu'il ne soit pas un gouvernant, etc. Ou là, il le sort du pays, etc. Il faisait comme il voulait. فَنَشَأَ الْإِمَامُ الْبَرْبَهَارِ فِي تِلْكَ الْبِيئَةِ الْمُطَّرِبَةِ سِيَاسِيًا. Donc, il dit là, نَشَأَ, je m'en ai نَشَأَ. Hein? Il a grandi, il a évolué dans cette بيئة. شنو البيئة؟ L'environnement, ok. Al-Muttariba, al-Mukhtalifa, siyasiyan. Ça veut dire qu'elle n'était pas stable. Muttariba, siyasiyan, c'est-à-dire sa politique, elle était muza'za'a. Al-Muzdahirati, ilmiyan. Al-Izdihar, c'est le développement. La science, elle se développait, elle se propageait. Haythu kana ahlus sunna muntashiruna fil bilad. Les gens de la sunna, ils étaient répandus dans le pays. Wa'asara l'imam al-Barbahari jam'an min al-a'imma. L'imam al-Barbahari, rahimahullah, il a Asara, ça veut dire il était dans Asr, Jam' min al-A'imma, il était contemporain avec nombre de savants. Mithlu l'imam ibn Majah al-Qazwini. Ibn Majah al-Qazwini, il est arrivé au sahib al-Sunna, kitab al-Sunan, un des quatre. Muhammad ibn Yazid ibn Majah, rahimahullah, mutawaffa, si je ne me trompe pas, 273. D'accord? وأبي داود السجستاني. أبي داود السجستاني صاحبي السنن. يدي الأخ ولا الشيخ الأخ دغير يدي صاحبي السنن. Les deux adeptes de السنن. À savoir Tirmidhi et Abu Dawood. Abu Dawood c'est هذا. Abu Dawood السجستاني. On a dit il s'appelle Abu Dawood. Suleyman ibn al-Ash'af. Suleyman ibn al-Ash'af السجستاني. صاحب السنن. Ibn Majah ou Abu Daoud. Là, ben, Tirmidhi, je vous ai dit, Ashab Sunan, il y a quatre. Abu Daoud, Tirmidhi, Ibn Majah et Nasa'i. Yani, les deux là qui citent, là, Ibn Majah et Abu Daoud, c'est ceux qu'on connaît de Ashab Sunan. D'accord. Majah, ils disent les savants, donc c'est ça, sa mère. Sa mère, elle s'appelait Majah. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, dans le Boulour, Cheikh Salah Al-Sheikh, Kitab Al-Tawhid, on dit Majah, toujours. Toujours. Vous trouvez que c'est écrit Ibn Majah Ta, avec Ta. Lakin, ils disent, Waqfan wa Waslan, yuqal Majah. Que tu t'arrêtes ou que tu continues, tu dis Majah, Ibn Majah. D'accord. Wa Hanbal ibn Ishaq. Hanbal ibn Ishaq, l'imam Abi Bakr al-Marrudi. وإسحاق بن إبراهيم بن هاني وأبي بكر الخلال وابن قتيبة الديش نو دينواري وغيرهم من الأئمة. Donc حبل ابن إسحاق واحد un des frères inshallah il va prendre son nom et il nous cherche la semaine prochaine son nom complet, date de naissance, date de mort et des petites informations sur lui. أبي بكر المروذي pareil. Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani, pareil. Al-Khalal, Abu Bakr al-Khalal. On a vu la dernière fois dans l'Um'a, comme quoi, il vendait Al-Khal. C'est pour ça qu'il l'appelait Al-Khalal. Il vendait du vinaigre. Moutoufa, sanat, 311. Il est mort entre l'an 311. La même année que l'imam ibn Khuzayma. Abu Bakr al-Khalal, sahib kitab. Sahib kitab quoi? Kitab Sunna. Il a un livre qui s'appelle Kitab Sunna comme le Barbahari. Donc on a quatre noms. Hanbal ibn Ishaq, Abi Bakr al-Marrudi, Ishaq ibn Ibrahim ibn Hani et Ibn Qutayba. On va laisser le nom de famille parce que ça aide. Il faut quatre frères qui... Ana menhum, inshallah. Moi je prends un des quatre. Celui que vous prenez pas, je le prends. Abdallah, tu veux le premier? Hanbal ibn Ishaq. Comme on a dit le choix, Tarzama rapide. On n'a pas besoin de beaucoup d'informations, c'est juste pour savoir c'est qui ces personnes. Qui veut le deuxième? Troisième. Marrudi. Donc, Abdallah le premier. Adil Thani. Mishmo le troisième. Ishaq. C'est toi qui avais fait le khalal? Si. صعيب هذا خليته لي ليا. وقد صاحب الإمام البربهاري جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل رحمه الله. Donc il dit que l'imam al-Barbahari il a côtoyé nombre de savants qui étaient avec l'imam Ahmed. Donc on a dit Barbahari il est né quand? 253. L'imam Ahmed il est mort quand? 241. Donc il l'a rencontré ou là là? Il l'a pas rencontré. Donc Cheikh Issaïl Akhadaï, il nous dit qu'il a rencontré des gens qui ont côtoyé l'imam Ahmed. Il n'a pas rencontré l'imam Ahmed. Wa akhadha al-ilm anhum. Donc il a pris la science de personnes qui étaient avec l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Mimma kana lahu atharun kabir ala shakhsiyatihi. Ce qui a fait beaucoup d'effets en fait sur sa personnalité. Shuyukhuhu wa talabuhu lil-ilm. Laqad kana الإمام البربهاري رحمه الله مبرزا في طلب العلم وحريصا على تحصيله. C'était quelqu'un مبرز. إيش معناه؟ ها؟ لا لا. هذه تاع البلاد كي يبرزوا لي تليفون خطي. ها؟ لا. Il était apparent. Ça veut dire c'est quelqu'un في طلب العلم. Il est apparu. Hein? Sa personnalité, sa science et tout ça, elle est apparue. C'est quelqu'un qui était ancré dans ce domaine. حريصا على تحصيله. حريصا il était tout le temps derrière le fa'ida, derrière le fait de tirer un profit, d'apprendre quelque chose. Quelqu'un qui était actif dans ce domaine. حيث تلقى العلم عن جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى منهم. Donc il a, il a, هذا كنت نشوف en dessous, المروذي اللي خذ المروذي ديجا علامات معلومات. Donc il dit que il a pris de nombre, تلقى تلقى العلم, ça veut dire il a pris. Ça vient de quoi? Ça vient de quoi, تلقى? القى, القى, lancer. Ça veut dire, quand ils disent, مثلا, نسأل الله أن ينفع به, المتلقي, متلقي, c'est celui qui prend. Et le mulqi, c'est celui qui lance. C'est celui qui donne l'ilm. On ne va pas dire lance pour l'ilm. Celui qui donne. À la base, le mot, القى, c'est jeter, lancer quelque chose. Donc, le متلقي, c'est celui qui prend. تلقى, ici, il dit, حيث تلقى العلم عن, على جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد. Il a pris la science de nombre de personnes qui ont côtoyé l'imam أحمد رحمه الله. منهم parmi eux أحمد ابن محمد ابن الحجاج أبو بكر المروذي الإمام القدوة الفقيه المحدث نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد بن حنبل مات سنة 275 من الهجرة. Donc cette personne là, donc c'est lequel qu'on avait, le deuxième, أحمد ابن محمد ابن الحجاج أبو بكر المروذي الفقيه محدث qui était à Bagdad. Nazil Bagdad, ça veut dire qu'il est resté là-bas, yani il a vécu là-bas. Sahib al-Imam Ahmad, il a côtoyé l'imam Ahmad, rahimahullah, décédé en l'an 275. Deuxième, Sahl, Ibn Abdillah ibn Yunus, al-Tasturi, Abu Muhammad, l'imam al-Abid al-Zahid, mata sanata 83, ba'd al-mi'ati al-thaniya, min al-hijra. Donc, Sahl ibn Abdillah ibn Yunus al-Tasturi, sa cognien c'est Abu Muhammad, imam, abid, abid ça vient de ibada, adorateur, zahid, zuhd on a dit c'est tark ma la yinfa'u fil akhira, c'est quoi zahid, zahid mata sanata mi'atayn, il est mort en l'an 283. Troisième, al-Fathu ibn Shukhruf, أحد العباد الزهاد, روي عن الإمام أحمد ابن حنبل أنه قال ما خرجت خراسان مثل ما خرجت خراسان مثل الفتح. ها عندك ما خرجت نعم ما خرجت نعم أخرجت أيوة ما أخرجت إيه ما أخرجت خراسان مثل الفتح ابن شخرف. توفي سنة كم سون بريديسيسور 73 و200 نو سي با باغي. Donc, Fath ibn Shukhruf, un adorateur et quelqu'un qui avait aussi Zuhd, l'ascétisme, il rapportait de l'imam Ahmed qu'il a dit Khurasan. C'est où Khurasan? Comment il appelle en français? Khurasan. Avec Kha. Kha'ash. Khurasan, oui. Mettre le Fath ibn Shukhruf. Yani l'imam Ahmed il a dit, il n'y a pas une personne comme lui qui est sorti de cet endroit-là, Khurasan. Il est décédé en 273 de l'Hégire. Makanatuhu al-ilmiya. Makanat man? L'imam al-Barbahari. Laqad kana l'imam al-Barbahari rahimahullah imam mahiban. L'imam al-Barbahari rahimahullah c'était un imam mahib. Quoi mahib? Là. On a dit la dernière fois, فرق بين الهيبة والهيبة. مهيبا, ça vient de الهيبة. Il y a le يا dessus. Ça veut dire qu'il avait الهيبة, ça veut dire que les gens, quand ils voyaient, voilà, ils avaient une certaine crainte respectueuse. Crainte respectueuse شرعية. J'ai crainte respectueuse بدعية. Ça veut dire. C'est pas كعامة الناس. Quelqu'un il a passé sa vie fait l'ilm, etc. comme ils disent les savants. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est donné la science du hadith sans qu'il y ait une certaine clarté sur son visage. Nudra avec Dad. D'accord? Qawwalan bilhaq. Qawwalan sirat mubalagha. Ça veut dire, il disait la vérité, abondamment. Da'iyatan lis sunna wa tiba'i l'athar. C'était quelqu'un qui prêchait la sunna et suivre les textes, les traces. Arifan bil madhab, usulan wa furu'an. Ils connaissaient le madhab, madhab l'imam Ahmed, usulan wa furu'an, aussi bien dans les fondements que dans les branches. On a vu la dernière fois un petit peu une définition. Qui c'est qui s'en rappelle? On a dit c'est quoi l'asl? On a dit kullu amrin daqiq. C'est ça? Kullu amrin daqiq, c'est ça non? Il n'y a personne qui se rappelle. Lahu situn inda sultan wa jalala. Sit, ça veut dire qu'il est il est connu chez le sultan, chez le gouvernant. Il est connu inda sum'a, il a une réputation auprès de lui. C'est comme sa parole, elle est entendue, elle est écoutée. Hadha huwa ma'na sit. أفادني بذلك الشيخ جاز الجهني حفظه الله إنما رجعت dans les sans malgré je fais قواميس les petits قواميس malgré tout والو فادني الشيخ جزاه الله خير ها الأصل كل جليل في الدين كل جليل في الدين ارفع كل دقيق في الدين on a ça pour l'instant كلام شيخ الإسلام هذا ابن تيمية رحمه الله الأصل كل جليل في الدين الفرع كل دقيق في الدين إذا Jalil ou la Jali? Tu te rappelles la semaine d'après, j'avais corrigé ce que j'ai dit. T'as pas de correction, t'as rien? De toute façon, je reverrai, Inch'Allah. Jalil. Inch'Allah, on confirmera la semaine prochaine. C'est important ça de savoir. Il est très connu pour ça. Il était dur avec les innovateurs et les gens des passions. C'est quoi le munabada? C'est comme il était dur avec eux, c'est comme il leur accordait pas d'importance et il parlait sur eux, il mettait en garde, etc. aussi bien avec sa main, avec ses gestes, sa manière d'agir, qu'avec sa langue. Wa kana majlisuhu amiran bi hilaq al hadith wal athar wal fiqh. Donc ces assises, elles étaient remplies de quoi? Elles étaient remplies de quoi? Hadith, ilm yani shar'i, athar, des textes, des traces, des récits authentiques, al-fiqh, et de jurisprudence. Yahduruhu al-kathiru min a'immati al-hadith wal-fiqh. Une présence abondante des savants, d'étudiants, etc., aussi bien dans le domaine du hadith que dans le domaine du fiqh. Munabada, c'est quoi? Munabada. Il faisait de la différence par rapport à les calculs. Ce qui est le verset qu'on a cité, Nabadou wara dhuhurihim, et ici, ça n'a pas le même sens exactement. Comme tout. Nabadou wara dhuhurihim, comme on a dit sur le Coran, yani ils l'ont mis derrière le dos, c'est comme ils l'ont jeté derrière leur dos, ne lui donnant pas d'importance. Ici, munabidan lahum bil yaddi wal lisan, yani il était contre eux, dressé contre eux, etc. Voilà, kana shadidan, yani c'est comme un petit peu explicateur de la phrase qui est avant. Shadidan ala ahli bid'ah wal ahwa, il était dur envers les innovateurs, les gens des passions. Comment? Munabidan lahum bil yaddi wal lisan. Yani aussi bien avec sa langue qu'avec ses gestes, etc., avec ses actes. قال أبو عبد الله الفقيه إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن ابن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. Donc cette personne-là, Abu Abdullah al-Faqih, il dit lorsque tu vois, إذا رأيت البغدادي, quand tu vois quelqu'un de Bagdad, puisque le Barbahari est à Bagdad, aimant Abu al-Hassan ibn Bashar. Et ça, on va te donner celui-là à la place de... Où la... Je compte Adil. Puisque t'as essayé de nous tromper là. quand tu vois quelqu'un aimant cette personne, Abul Hassan ibn Bashar, et l'imam Abu Muhammad al-Barbahari, sache que c'est un adepte de la sunna. وإما يدل على علو مكانته ما قاله تلميذه ابن بطة رحمه الله تعالى. يعني si tu veux voir la place qu'avait l'imam al-Barbahari, la place élevée qu'il avait, tu regardes ce qu'a dit Ibn Battah. Ibn Battah al-Ukburi. C'est quoi ses dates à lui? 304-387. Ubaydullah ibn Battah al-Ukburi, Abu Abdillah. Il est mort en Muharram, 387. Et Mouloud, Mouloud, 304. Le mois, j'ai oublié. Et Ukburi Nisba. Il a Ukbura. Ukbura, c'est un endroit qui est pas loin de Bagdad, justement, en Irak. Qui est pas loin de Bagdad. Rahimahullah. Donc il dit Sami'tuhu, yani al-Barbahari. Il dit Ibn Battah, rahimahullah, sahib kitab al-Ibana, al-Sughra al-Kubra. Il a dit j'ai entendu, c'est-à-dire al-Barbahari, lamma ukhidha al-Hujjaj, yaqulu ya qawm, in kana yahtaju ila mu'awana, ya qawmi. إن كان يحتاج إلى معاونة بمئة ألف دينار ومئة ألف دينار خمس مرات عاونته. Donc il dit Ibn Battah رحمه الله j'ai entendu le Barbahari رحمه الله وغفر له lorsque les pèlerins أخذ سألت الشيخ جازي حفظه الله il m'a dit أخذ مالهم قصة هذه elle a l'air d'être connue quand ils ont pris leur bien. Les pèlerins, des gens qui sont venus faire le pèlerinage, ils leur ont pris leur bien, le mal. Il a dit l'imam Barbahari, rahimahullah, oh vous les gens, oh vous les pèlerins, si quelqu'un a besoin d'aide de 100 000 dinars, et 100 000 dinars, et 100 000 dinars, il l'a répété 5 fois, eh bien, je vais l'aider. قال ابن بطة رحمه الله لو أرادها حصلها من الناس. Et s'il l'avait voulu, Ibn Battah dit, s'il l'avait voulu cette somme-là, il l'aurait acquise. Il aura acquise de chez les gens. وَلَهُ شِعْرٌ رَائِقٌ فَمِنْ شِعْرِهِ رَحِمَهُ اللَّهِ. Donc il a des vers poétiques. Parmi ce qu'il a dit, مَنْ قَنِعَتْ نَفْسُهُ مَنْ قَنِعَتْ نَفْسُهُ. Vous avez quoi sur le bas le premier? Bi. Entre comme qu'est-ce مَنْ قَنِعَتْ نَفْسُهُ بِبُلْغَتِهَا أَضْحَى غَنِيًّا وَظَلَّ مُتَّبِعًا لله در القناعة من خلق كم من وضيع به ارتفع تضيق نفس الفتى إذا افتقرت ولو تعزى بربه اتسعى. يعني من قنعت نفسه ببلغتها. Celui qui est son âme elle est comme elle est apaisée, elle est convaincue. يقنع. Ça veut dire il se limite à ce qu'il a. أضحى غنيا وظل متبعا. Il sera أضحى, il deviendra riche, وظل متبعا, et il deviendra quelqu'un qui suit. لله در القناعة من خلق. لله در, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment traduisible. J'ai demandé à بعض العارفين بالعربية, ils m'ont dit لله در, هذا دعاء بالخير. Je ne peux pas le traduire par autre chose que ça. C'est une invocation de bien. Tu dis مثلا لله درك, c'est une invocation au bien en faveur de la personne. لله در القناعة يعني من خلق. Il dit c'est comme il loue ce caractère là, القناعة, quelqu'un qui se limite à ce qu'il a, hein, il ne veut pas plus ou bien il ne fait pas tout ce qu'il peut pour avoir plus. Il dit qu'est-ce que c'est un bon caractère. كم من وضيع به ارتفع, combien de personnes qui sont avélies, rabaissées, mais qu'ils ont ce caractère là qui est القناعة, ils ont été élevés. تضيق النفس الفتى إذا افتقرت. الفتى c'est le valet, la personne, le jeune. Il dit son âme, elle se resserre quand il devient pauvre. ولو تعزى بربه التسعى. Et si en vérité il prenait, il considérait, puisqu'il est, yani, il est musulman, il est soumis à Allah, il est aziz, il est puissant, il a de la fierté, etc. Il dit التسعى. Yani, son âme, elle s'élargirait au lieu de se resserrer à cause de la pauvreté. زهده وورعه. لقد عرف الإمام البربهاري بالزهد والورع مما يدل على هذا ما ذكره أبو الحسن ابن بشار قال تنزه البربهاري من ميراث أبيه عن 70 ألف درهم. Donc il dit l'imam البربهاري c'était quelqu'un, un ascète, il dit, ce qui montre cela, ce qu'a cité Abu al-Hassan ibn Bashar, donc c'est celui qu'on avait avant, il a dit tanazzaha al-barbahari. Et vous m'avez dit tanazzaha. Hein? Voilà, c'est comme il a laissé passer, il a délaissé, il ne s'est pas adonné à l'héritage de son père qui correspondait à 70 000 dirhams. 70 000 dirhams. À la base, on a dit dirham, c'est le wariq, c'est l'argent, c'est une unité de mesure de l'argent. Wa qala ibn Abi Ya'la kana lil barbahari mujahadat wa maqamat fi ad-din kathira. Il dit l'imam ibn Abi Ya'la que l'imam al-Barbahari, rahimahullah, c'était quelqu'un, et qu'ils sont arrivés beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui montrent un salaba, ce qui montre que c'est quelqu'un qui est ferme et qui est sérieux dans sa religion, etc. Talamidu l'imam al-Barbahari, parmi ses élèves, laqad akhadha al-ilma an hadha al-imam adadun kabirun min at-tullab wastafadu minhum. Donc nombre d'étudiants, ils ont tiré profit de ses cours. Et منهم parmi eux le premier l'imam al-Qudwa al-Faqih Abu Abdillah Ubaydullah ibn Muhammad al-Ukburi Ukbari Ukbari li ma'ruf al-Ukburi li ma'ruf fi al-tarajum j'ai même son livre l'Iban à ma gauche lakin on va lire comme il a li l'akh al-Uk Ukbara yu haka Ukbara yu المعروف ابن بطة اللي كنوا تفصون سسنولا ابن بطة العكبري الإمام الواعظ الكبير محمد ابن أحمد بن إسماعيل البغدادي أبو الحسين ابن سمعون ترزيام أحمد ابن كامل ابن خلف ابن شجرة أبو بكر القاضي كتخيام الإمام الفقيه الحسين ابن عبد الله البغدادي الحنبلي أبو علي النجاد الصغير مات في حدود سنة 360 5e, Mohamed ibn Ahmed ibn Salih ibn Imam Ahmed ibn Hanbal, mat sanat 330. Mohamed ibn Ahmed ibn Salih ibn Imam Ahmed, rahimahumullah jami'an. On passe sur cela ou là vous les biographies? Hein? Petit-fils. Mohamed ibn Ahmed ibn Salih. Salih, c'est un des fils de l'imam Ahmed, c'est celui qui était plus grand que Abdullah. Donc Mohamed, fils de Ahmed, fils de Salih. Donc c'est le petit-fils de Salih, donc le petit arrière-petit-fils voilà, de l'imam Ahmed. Troisième. C'est bon? Donc on passe sur cela. Mihnatuhu wa wafatuhu. Ce qui lui est arrivé, comment il est mort. Qala ibn Abi Ya'la wa kana lil barbahari mujahadat wa maqamat fi ad-din kathira. Donc c'est ce qu'on a cité juste avant là. Comme quoi, des différents événements qui lui sont arrivés. Et les gens qui étaient contre lui, ça vient de la rage. Voilà, ils essayaient en fait de faire en sorte que le sultan, de remonter le gouvernant contre lui. En l'an 321. في خلافة القاهر ووزيره ابن مقلة تقدم بالقبض على البربهاري فاستتر. Donc cette personne là, ce gouvernant là qui avait le khilaf, son ministre, il s'est mis à rechercher le barbahari. Al-qabd, ça veut dire attraper quelqu'un. Fastatar, ça veut dire c'est caché. Man, il s'est caché, man. البربهاري رحمه الله وقبض على جماعة من كبار أصحابه. Par contre, ils ont attrapé nombre de personnes qui étaient en relation avec lui ou là des gens qui le côtoyaient. وحملوا إلى البصرة. Et ils ont été transportés à البصرة, en Irak toujours. وعاقب الله تعالى ابن مقلة على فعله ذلك بأن سخط عليه القاهر وهرب ابن مقلة. Donc il dit Allah il a puni Ibn Muqla, donc qui est le wazir, qui est le wazir, le ministre. Et pourquoi? Parce que le gouvernant suprême du pays, le Qahir, il s'est mis en colère contre lui. Ibn Muqla, il a pris la fuite. وعزله القاهر عن وزارته. Donc il l'a fait sortir de son, de ses, le bitan intao, de son, des gens qui l'entourent. وطرح في داره النار il a brûlé sa maison وقبض على القاهر بالله على القاهر بالله vous avez ça hein? يوم الأربعاء لست من شهر جماد الآخرة سنة 22 و300 donc ils l'ont attrapé قبض على القاهر le quel jour mercredi 6 du mois جماد الآخرة on a dit c'est le combien de mois 6e mois سنة 22 و300 en l'an 322 وحبس وخلع وسملت عيناه في هذا اليوم حتى سالت جميعا قبض على القاهر إذا قبض على الحاكم ولا لا القاهر شكون يقبضوا يفصل من بعد سملت سيجيك كوا سملت Ça vient de quel mot? Soumilat, c'est ça, il faut que je m'en prie. Tu m'as trouvé les mots. Soumilat, on a eu besoin de mon verbe et de mon verbe. Soumilat, il dit Rahimahullah, Soumilat, Aïnouhou. Dans mon verbe, vous savez qu'il a un petit isme, un passage. Hein? Il a un petit isme, Bidoun et Rafd. Il n'est pas rentré dans le secte Al-Rafidah, mais il avait un peu de penchant vers Al-Bayt. Exagération. Rahimahullah, Rafradah. Soumilat aynuhu, tousmal, idha fuqi'at bi hadidatin muhmat. La ilaha illallah. Quand tu crèves l'œil de quelqu'un avec de la ferraille, qui est muhmat, ça vient de l'hami. Hein? Voilà. Qui est, brûlante. Hein? Cotérisé, c'est le kei. Kei, c'est un médicament, hein, c'est pour guérir quelqu'un. Hanaya, c'est pour châtier et torturer la personne. Il dit soumilat aynuhu. Tu peux répéter la définition? Tu peux répéter la définition? Soumilat aynuhu, idha fuqi'at bi hadidatin muhmat. Et la base, c'est quoi là? Fuqi'at. Qu'est-ce qu'il y a dans le hadith? Une personne qui vient qui regarde derrière ta porte, فَفَقَعَ عَيْنَهُ فَلَا قَصَاصَ عَلِهُ وَلَدِيَّ فَقَعَ crever un œil. سُمِلَتْ وَفِي الْمُحْكَمِ سَمَلَ عَيْنَهُ يَسْمَلُهَا سَمْلًا سَمَلَ يَسْمَلُ سَمْلًا يعني سَمْلٌ si tu veux le mot tout seul c'est ce plan là وَسْتَمَلَهَا فَقَعَهَا Il dit ensuite, Tatima, il dit, je ne l'avais pas vu ça. Il dit, Samlo an tafqa al-ayn. An tufqa al-ayn ou bi hadidatin muhmat. Ou bi ghayri dhalik. Ça se peut que ce soit autre chose. Qala wa qad yakunu samlo. Wa qad yakunu samlo. Faqa'aha bi shouk. Bi shouk, hein. Wa huwa bi ma'na al-samr. Wa innama fa'ala dhalika bihim liannahum fa'alu bi ru'at misla, etc. Donc il dit ça. Hein? Ouais, c'est un hadith. Ouais. Un Ibn Mandour, toujours et souvent, il parle avec des versets, avec des hadiths, avec des textes à qui sont rapportés. Donc, il dit à la base, c'est avec hadidat Muhammad, ça peut être avec autre chose. C'est bon? Aïna, Muthanna, deux yeux. Si c'était un œil, il aurait dit quoi? Aïnouhou. Puisque le Muthanna, il est morfour bil alif. هذا اليوم حتى سالت جميعا حتى البوان كالزون كولي toutes les deux yeux فعمي ثم تفضل الله تعالى واعاد البربهاري الى حشمته donc il dit يعني الله il a accordé à البربهاري le mérite etc et il est revenu à حشمته حشمته معناه مكانته il est revenu à sa حشمه c'est à dire à sa place, à sa valeur, etc. Dans ce sens-là, attention, le terme-là, il faut le prendre dans As-Siyaq. Al-Hishma, à la base, vous savez c'est quoi? C'est la pudeur, c'est la... etc. Il y a un kalam, Cheikh Jazir, Jazir Allah Khair, Hishmatihi makanatihi. وزادت حتى إنه لما توفي أبو عبد الله بن عرفة المعروف بنفطويه وحضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين، كان المقدم على جماعتهم في الإمامة البربهاري، وذلك في السفر سنة 323. Donc il dit que Wazadat. Donc en fait, il est revenu à son mérite, à la place qu'il avait auprès des gens, et elle a même augmenté. Al-Barbahari rahimahullah. À tel point quand il est mort, Abu Abdullah ibn Arafa al-Ma'ruf bi Naftawi. Niftawi, ذكرت كلام شيخ ابن عثيمين dans كتاب العلم. Il dit, il donne des recommandations aux طلبة العلم. Il dit, il faut apprendre العقيدة, il faut حفظ القرآن, المتون المختصرة في الحديث, يحفظ من متون الفقه ما يناسبه. رابعا, il dit النحو, la grammaire. وما أدراك ما النحو الذي لا يعرفه من الطلبة إلا القليل. Il dit, la grammaire, et c'est malheureux qu'il y a peu d'étudiants qui sont plongés dans la grammaire. حتى إنك لا ترى الرجل قد تخرج من الكلية وهو لا يعرف عن النحو شيئا. Il dit, à tel point que tu vois des gens qui sortent de faculté, d'université, et il est faible, très faible dans la grammaire. يتمثل بقول الشاعر. Et il dit en fait qu'il prend comme excuse la parole du poète. لا بارك الله في النحو ولا أهله. Il dit qu'Allah ne donne pas de bénédiction à la grammaire, à la langage, ni aux adeptes de la grammaire et du langage. Il a kana mansouban ila Naftawi. Il dit si ça c'est attribué à Naftawi. Ahraqahu Allah bi nisf ismihi wa ja'ala al-baqi surakhan alayh. Il dit Allah il l'a brûlé avec la moitié de son nom. Naft, c'est le pétrole. Le pétrole ça brûle. Et le reste de son nom il a crié. Oui. Et quand tu fais mal à quelqu'un, il dit oui. Ça fait mal. Naft. Oui. Cheikh dit, لماذا قال الشاعر هذا الكلام? Il dit, pourquoi le poète il a dit ça? Le jawab, لأنه عجز عن النحو. Il dit tout simplement, c'est pas son domaine, le nahou. Il n'arrive pas à apprendre le qawaid, etc. C'est pour ça. Donc, ouais, c'est un grammairien. Hein? Kitab al-ilm? Dans les kitab al-ilm? Numéro fatwa. Fatwa 16. Au début des questions. On te fait l'inchallah aussi. Naftawi pour voir c'est qui. Je fais inchallah moi. Ibn Abdullah bin Arafa. Hein? Qui fait? Hmm. Elle est le. Il le connaît يعني sur ce nom là. مشهور على الألسنة أنه اسمه نفطوي. Donc il dit حضر جنازته. جنازة من؟ لما توفي أبو عبد الله ابن عرفة المعروف بنفطوي. Quand lui est mort, حضر جنازته أماثل أبناء الدنيا والدين. كان المقدم على جماعتهم في الإمام البربهاري. يعني beaucoup de gens ils ont assisté à son enterrement et parmi eux l'imam البربهاري puisque l'imam البربهاري il est pas mort en safar 323. On a dit il est mort en 329. وفي هذه السنة ازدادت لا يتي دفنسي نعم المقدم جماعتهم. Voilà, يعني parmi les gens qui ont assisté et qui ont primé yani, dans la valeur, etc. Il y avait beaucoup de monde. Parmi les gens yani, qui sont vraiment reconnaissables, etc. L'imam, al-Barbahari, rahimahullah, il était présent pendant le janaza de Naftawi, rahimahullah, ta'ala. Là, il met d'autres fans, il dit qu'il était le muqaddam à la jama'atim fil imam. Salat. Il a dirigé la prière nocturne, mortuaire. Nocturne, mortuaire. Parmi les mérites yani, qu'il a l'imam al-Barbahari, rahimahullah ta'ala. Au fait, cette année-là, c'est d'adat Hishmatul Barbahari. Donc, izdada ikramuhu, izdada makanatuhu, izdada ihtiramuhu inda an-nas. Les gens, ils l'ont respecté plus, ils l'ont valorisé plus, etc. Wa alat kalimatuhu. Alat, ça vient de ulu. Ça veut dire que sa parole, elle était encore plus écoutée, plus de valeur. Wa dhahara ashabuhu wa intasaru fil inkar al-mubtadi'a. Et ils se sont de nouveau adonnés à réprimander, réprimer les innovateurs. Wa lam tazal al-mubtadi'a yughiruna قلب الراضي على البربهاري فتقدم الراضي إلى بدر الخرشني صاحب الشرطة بالركوب والنداء ببغداد. Donc il dit, les innovateurs, ils avaient toujours le cœur attristé les personnes qui étaient satisfaites de البربهاري, ça leur faisait mal à eux. Et فتقدم الراضي إلى بدر الخرشني كذا الخرشني فتقدم الراضي إلى بدر الخرشني صاحب الشرطة بالركوب والنداء ببغداد ألا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان فاستتر وكان ينزل بالجانب الغربي بباب محول فانتقل إلى الجانب الشرقي مستترا فتوفي في الاستتار في رجب سنة 29 و300. يعني de nouveau les autorités etc. ils recherchaient de nouveau, ils ont appelé qu'il n'y ait pas l'ijtama'a, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui côtoient le barbahari, deux personnes qui se réunissent ensemble, fastatar. Donc il s'est de nouveau caché, et il se cachait à un endroit, muhawwal, qu'est-ce qu'il met dans la marge, un bab muhawwal mu'jam al-buldan, انظر, un bab muhawwal mu'jam al-buldan, c'est comme il te renvoie vers un mu'jam al-buldan, c'est comme un, comment ils appellent, il y a un nom, non, dictionnaire, t'as le buldan des pays, tout ça. Comment ça s'appelle en français? Encyclopédie. D'accord. Non, moi, ouais, d'accord, ouais. Atlas, voilà. Chauffe l'Atlas. Magasin. Mais Bagdad. Et donc, il s'est caché jusqu'à ce qu'il ait. Il est mort. Il est mort pendant cette durée-là où il était en exil. Il se cachait au mois de Rajab. Combien de mois? Septième mois. Sha'ban, c'est le 8. La Ramadan, c'est le 9. Septième Rajab. Un des mois sacrés, en l'an 329 de l'Égypte. وَقَدْ بَلَغَ مِنَ الْعُمُرِ سِتَّنْ وَقِيلَ سَبْعًا وَسَبْعِينَ سَنَةً. Il est mort à l'âge de 76 ou 77 ans. رَحِمَهُ اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُ. Hein? Monsieur Ouah, Hakim. Quelle page? La page d'avant. Soumulet Aïna. Donc il dit que Al-Qahir, qui était le gouvernant, il a brûlé la dar ta ministre. Il l'a exilé. وقبض Al-Qahir بالله يوم الأربعاء لست من شهر جماد الآخرة سنة 22 و300. En l'an 322. 322, ils ont attrapé Al-Qahir un mercredi 6 du mois Jumada numéro 2, à savoir le 6e mois. Ils ont attrapé Al-Qahir ou Hubis. Al-Qahir, c'était le gouvernant. Hubis, ils l'ont arrêté dans un coin. Khuli'a ou Soumilat Aina. Ils lui ont brûlé les yeux. Qui a fait ça? Tout ça, c'est Mubdi al-Majhoul. Fou'ila bihi kada. Qui, Allahu alam. Yani, c'est des gens qui étaient contre lui. Il n'y a pas de. Rien n'est cité que ce sera telle ou telle personne qui a fait. Al-Maqsoud, qu'est-ce qu'il nous dit Cheikh avant? Ou l'Al-Akh? Avant, il nous parle quoi? Comme quoi? Al-Barbahari, il était en exil. Il s'est caché. Après, il nous dit que Allah, il a châtié déjà les gens qui voulaient faire ça, déjà, fi hayatum. Déjà en état de vie. C'est pour ça qu'il a cité ça. C'est le gouvernant qui a été châtié, non? Ouais. Le ministre, quoi. Là, le Qahir, je demandais avant confirmation. Riyad, le Qahir, c'est le gouvernant. Il y en a le. Hein? Qu'est-ce qu'il y a au début? Khilafat al-Qahir. Wa waziruhu ibn Muqla. Ibn Muqla. Mais ils étaient influencés par le Mubtadi'a. C'est lui qui a été. Le Qahir ou le Wazir, ils étaient influencés par le Mubtadi'a. C'est pas l'autre qui s'est fait. Qubida ala, c'est ça qui nous fait croire qu'ils ont attrapé le Qahir. C'est vrai que ce serait plus يعني سياق que ce soit ابن مقلا puisque c'est lui le ministre qui porte le ministre ان شاء الله نوضحوا هذه عقب الله تعالى ابن مقلا ابن مقلا شوف لهنا بان اسخط عليه القاهر ما عز وجل بان اسخط عليه القاهر هذا سيتي كيما نقول لو سور دو مينيستر ديجا كيما نقول هذا لو سور دو مينيستر القاهر يعني غاضب عليه tu vois après il l'a cherché il l'a châtié partout et هو بعد le gouverneur lui-même par la suite يعني قبض عليه سواء il y a d'autres gens qui l'ont qu'ils ont gouverné قبض عليه وفقعت عينه طبقة الحنابلة يبا يبا دون ما كانش لي دو ايز ايتي ان شاء الله نفوا حتى نتاكدوا ايه تفضل تفضل قريب نكملوا تحصل ايه شي مشكلة تبارك الله السلام بركاته ايه دي كتبته ان شاء الله لي فراش كي فول فير دي ريغيرش اي ريغارد او سينو مو جو ريغارد ان شاء الله واضح يعني وجاب بالتفصيل لكن نبدا بالاسباب ترجمه الشيخ صالح فوزان ولا باس باسكو انا déjà fait elle est dans l'audio de l'audio des trois fondements le premier cours juste un renseignement par rapport à ça j'ai oublié c'était quoi le bon alors c'est le son j'avais passé un diplôme ça avait dit que c'est sur les nourritures et les poissons sur صالح فوزان ouais هذا في الدكتوراه دكتوراه الميراث في الماجستير هو لو سيت ميم هنايا لا نو ريتور وي دون لي ليف شوف دون لي ليف مؤلفاته لفضيله الشيخ مؤلفات كثيره من ابرزها تحقيقات المرضيه في المباحث الفرضيه الفرضيه في المواريث وهو رسالته في الماجستير مجلد ان توم دون الماجستير دوزيام الاحكام احكام الاطعمه في الشريعه الاسلاميه وهو رسالته في الدكتوراه مجلد فهمت اس المؤلفات وصف النسخ المعتمده و سيون باس باسكو يعني اون ا باس اون اي با دي ريغيرشور حنايا بور دون سونس كو حنا كاسكو لي سافون نو ديز سي بون اون اون ا با يعني المعلومات هذه تاع الخط الرسمي تو سا دونك اون با باسي دوسي ها واش رايك؟ كاش تي بونس؟ لا لا ابدا دابور ماجستير من بعد دكتوراه ها؟ ماجستير سي ان كوم تي دي ليسونس تي دي سي ان دوغري دو تروك سي ان ماستر سي ماجستير است كو ماستر سي ماجستير؟ 5 ans ماستر لا والو لا والو ما على باليش ensuite vous avez نسخ الكتاب الخطيه Vous voyez النسخ الخطية؟ Ah oui. Voilà. Quelques pages après. Ouais. ثاني منهج البحث. منهج البحث on peut le lire ان شاء الله. Il y a qu'une page. Vous avez le منهج البحث؟ Ah, moi j'ai 31, vous devez avoir, je sais pas. 30. Non, apparemment il y a des petites منهج البحث. C'est bon, vous l'avez ou là là Quatre pages avant. Laqad fi ikhraj al-kitab wa tawthiqi nususihi ma yali. Donc, sur le fait de faire sortir le livre au grand public, ikhraj al-kitab et tawthiq nususihi pour tawthiq ça vient de thiqa, sûreté de ces textes. J'ai pris la méthodologie suivante. Adhkuru fi awwalan, adhkuru fi a'la as-safha matn al-faqra allati sharahaha fadilatu al-sheikh Salih الفوزان ثم أضع خطا فاصلا بين المتن والشرح ثم بعد الخط أضع كلمة الشرح ثم أذكر شرح فضيلة الشيخ صالح فوزان donc il dit comme on a l'habitude de voir il met le متن au dessus ensuite un trait continue comme ça ensuite الشرح au كلام الشيخ ça c'est الأخ محمد الفهد الحصين تلميذ الشيخ ثانيا دوزيام خرجت الأحاديث والآثار الواردة في المتن والشرح فإذا كان الحديث الصحيحين واحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما بذكر الجزء ورقم الصفحة والرقم غالبا مع ذكر اسم الصحابي الذي رواه إن لم يكن مذكورا في المتن أو الشرح donc il dit j'ai donné les références des hadiths qui sont rapportés dans le matn et dans l'explication si le hadith il est dans les deux recueils authentiques ou dans un des deux je me suffis à l'azou à l'attribution à ceci Si il est dans le Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Ibn Hibban et Fulan, il dit que le Bukhari est Muslim, ou bien au moins un des deux. Avec l'évocation de Juz, dans quel tome tu peux le trouver, quel passage, numéro de la page, et le numéro du hadith en grande généralité. Avec l'évocation du compagnon qui l'a rapporté, Sahabi l'a dit Rawah, s'il n'est pas évoqué dans le matn, ou bien dans l'explication. وإذا كان الحديث ليس في الصحيحين ذكرت مصادر تخريجه بما لا يزيد غالبا عن خمسة مخرجين مع ذكر من حكم عليه من العلماء. Il dit s'il n'est pas dans les deux recueils authentiques, je cite d'où sort le hadith, où c'est que tu peux le trouver, en ne citant pas plus que cinq personnes qui ont fait tahrij du hadith avec l'évocation de ceux qui ont un hakama, hukm al-ulama alayh, ceux qui ont dit hadith, l'akhar de la dit sahih, l'akhar de la dit hasan, y ghayrihi. Voilà, comment ils l'ont classé. وإذا لم أقف على من أخرج الأثر لم أتعرض لتخريجه دلالة على أني لم أجد من خرجه. Il dit si je trouve pas, je cite rien du tout en montrant, donc si vous voyez rien, c'est que j'ai pas. L'akhar dit, jazakallahu khair. Il dit si vous voyez rien, c'est que j'ai pas trouvé, tout simplement. Troisièmement, عزوت النقول إلى الكتب التي اشتملت على تلك النقول مع ذكر رقم الجزء والصفحة. Les différents récits qui sont cités, je les ai attribués à leur livre original. Chaque passage au livre original d'où il sort, en évoquant le juz, le tome ou bien le et la page, voilà, le passage et la page. Quatrième, قمت بتشكيل الكتاب كاملا متنا وشرحا حتى تسهل قراءته على طلبة العلم على كافة مستوياتهم. Juste pour ça, vous pouvez checkro, yani l'akh jazakallahu khair, il a mis le shakl partout. Comme ça les gens qui sont faibles dans la lecture, ça leur est facile pour lire et ils vont pas justement comprendre des mots d'une manière fausse. على كافة مستوياتهم. Tous les étudiants, quel que soit leur niveau, ils peuvent tirer profit de ce livre. C'est rare, comme vous le savez. ولم أكتفي بتشكيل المشكل لأن الإشكال أمر نسبي يصعب ضبطه. Il dit je ne suis pas limité à faire tashkil, à mettre les voyelles sur les mots qui sont mushkil, sur les mots justement qui sont difficiles, compliqués, qui ne sont pas courants ou bien qu'on peut comprendre de plusieurs manières. Pourquoi? Parce que ce qui est mushkil pour moi, ce n'est pas mushkil pour toi. Ce qui est mushkil pour un tel, c'est mushkil pour moi, etc. Yani chaque personne, elle a son degré de ishkal. Il y en a, ils n'auront aucun mushkil dans aucun mot. Il y en a, ils auront mushkil dans un quart des mots. Il y en a la moitié des mots. Il y en a dans trois quarts des mots. Donc il a dit, je vais tout faire, comme ça c'est réglé. وأسأل الله التوفيق والسداد وأن ينفع الأمة بهذا الكتاب وشرحه وأن يجزي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان فوزان عن الإسلام والمسلمين خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. C'est énorme, comme tu dis. Vous voulez on lit le passage du Surah ou la semaine prochaine? Le compteur il indique 1h20. Pourquoi rien? Non. On va commencer avec le mot al-kitab. Le cheikh au début il parle un peu de très rapidement de l'auteur, il parle très rapidement du livre, pourquoi il s'appelle Sharh al-Sunna, de quoi il traite le livre, en donnant des exemples d'autres savants, etc. Pourquoi des mains? Les savants en général, ils ne rentrent pas dans un livre comme ça à froid. D'abord, il te parle du livre un peu, c'est quoi, etc. L'auteur, c'est qui, etc. Un bad. C'est bon? Azawtu, azawtu min al-azou. C'est l'attribution à. Par exemple, azawtu l'ayat ila madhanniha. Ça veut dire. J'ai mis après les versets surat kada, verset numéro kada. Azawtu al-kalam ila ahlihi. Par exemple, moi maintenant je cite sur les mots qui étaient soumilat, hein, soumilat aina. Azawtu al-kalam ila Ibn Mandur. J'ai dit Ibn Mandur, il l'a dit dans l'islam arabe. Tu vois? Si tu l'as attribué. Attribué à. Voilà. Juste deux, trois fawaïd. كتاب الشيخ بكر أبو زيد جزاه الله خير حجة طالب العلم Donc ce qu'on a vu dans Kun Salafi, il dit rahimahullah wa farada, wa kana as-salafu man la yusalli wa kana min as-salafi man la yusalli ala janazati mubtadi'. Il y a nombre de prédécesseurs qui ne priaient pas sur les funérailles, voilà, des innovateurs. فينصرف يصون عليه وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله متوفى سنة 1389 من الهجرة رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع يدي on a vu ça de الشيخ محمد بن إبراهيم on a vu sa biographie il est mort en 1389 que il y a des cas où il est sorti à cas une janaza d'un innovateur et il s'en allait devant les gens. Il dit aussi وأخبار السلف متكاثرة في النفرة عن المبتدع وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما انتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع لأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي الشاهد والعامي مشتق من العمى يدي العامي العامة عامة الناس يدي سي ديريفي دو العمى le fait d'être aveugle. فهو بيد من يقوده غالبا. Il dit en fait il a besoin des gens qui le guident. هذه اللفظة quand il a lu الأخ شرح الشيخ ابن عثيمين الكتاب كامل الشيخ il a dit ابن عثيمين il a dit لم أعلمه حتى الساعة. Il a dit je savais pas ça jusqu'à maintenant. فإلى demandé à طالب de chercher dans قاموس de الفيروزابادي ils ont pas trouvé ça. فلعل وهم من الشيخ بكر أبو زيد ou bien il a une autre source. لكن ils ont pas trouvé ça, ils ont trouvé que l'ammi مشتق من العموم عام la masse يعني la généralité des gens يا عامة الناس هي خاصة الناس يا des gens spécifiques العلماء etc طلبة العلم ها كما رأينا في الحديث في النصيحة ولعامة المسلم وعامتهم يعني الشيخ ابن عثيمين يدي يكوني pas انك سي مشتق من العمى Et Cheikh Bakr Abou Zayd, tu as vu qu'il est fasih, grande fasaha. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il a chakrof le muqaddima, il a dit que c'est rare que tu trouves un savant contemporain où quand tu lis son livre, il faut que tu aies un dictionnaire à côté de toi. Et il dit c'est le cas de Cheikh Bakr Abou Zayd. Fasaha mutanahi, na'am. Je veux savoir à quelle année il est né. Cheikh Bakr Abou Zayd, 1365. Moutoufa l'année dernière, 1430. 1429. On est en 31 là. Ça fait deux ans quand même, non? Moi, tu vois, 1429. Narfo, on a 1430. C'est récent, mais ça fait deux ans comme ça, je crois. Très peu de temps avec Cheikh Ahmed Najmi. Ahmed Ben Yahya Najmi, pas beaucoup de temps entre les deux. Tu vois, Bertou, ramenez-nous la semaine prochaine. Pour ça, tu vois. Quand même, Ada, Hayat Kibar Ulama, Lejna. Hein? Salah Atram. Avant eux, non? إيه لكن يعني اسمه في نفس السنة تقريبا مثلاً. أكيد. لا أترى مش قصي. أبا. يعني سنوات بيناتهم. الله أعلم. جنة طالب العلم. important. يهدر معك يا رياض اسمع. جنة العالم لا أدري. يدي بوكلية تاعك. ليش ما تضحكت؟ تو بوكلية. je sais pas. ça veut dire quand tu sais pas cool je sais pas. تدخل شوية. ويأتيك حجابه الاستنكاف إذا سي تغون دو لدير تي فا تومبي دا ومنها قوله يقال إذا parmi les gens qui disent il a été dit il veut pas dire je sais pas dit il a été dit يقال يعني واحد ان savant il a dit وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري إذا سي la moitié de la science je sais pas فنصف الجهل يقال إذا la moitié de la science je sais pas La moitié de l'ignorance, il a été dit, wa adhan. Je pense que. Il y a de la macarie. Ça, il y avait un dernier point. Moudhika aussi, il fait rire. Wa asnad al-khatib, rahimahullah. An al-rahbi qad, sami'tu ba'da ashabina yaqul. Ida kataba l'hahan, fa kataba l'hahan un akhar. صار صار الحديث بفارسية. يدي كون كلكا سي كو اللحن سي كلكا يمشيك على بلاص الحمد يدير الحمد لله يدير لله يدي سي كلكا كيف اللحن Ça veut dire il va se tromper dans les trucs. Il écrit de quelqu'un bad qui fait le lahn. Ça veut dire celui qui écrit défracturé. Ou il y a un nando défracturé, il dit le hadith il se transforme en perse. C'est plus de l'arabe. Voilà, bad fawaid. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.